Cette semaine, le Studio École de France bouleverse ses programmes. De 14h à 18h10, assistez à un déluge d'invités sur Studekweb. Animateurs, réalisateurs et journalistes vont vous faire découvrir des hommes et des femmes du monde des médias. La semaine des invités, c'est du 27 au 31 mars sur Studekweb. Et bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez la semaine des invités sur Studekweb, j'espère que vous allez bien, on est très très content d'être là avec vous aujourd'hui, avec toute la team, Virgile, Natché et Allegria, salut les gars. Hello. Salut à toi. Salut. Alors je vais pas vous mentir les gars, c'est clairement pas vous, ni même moi, la star aujourd'hui, à mon grand désespoir, mais c'est bien notre invité du jour, Stéphane Evano, rédacteur en chef de l'émission quotidienne Météo à la carte sur France 3, qui est avec nous pour une heure, bonjour. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je suis super content d'être là en tous les cas. Avec grand plaisir. Star, c'est un peu excessif, je pense. Et non, mais alors vraiment, je suis ému parce que je ne m'étais pas retrouvé dans un studio de radio depuis des années, devant un micro avec un casque, avec une équipe. Enfin, c'est magique. Voilà. Eh ben, je le dis, je suis vraiment très content d'être là. Bah, eh ben, très, nous, très content de vous recevoir. C'est gentil. Et puis, accessoirement, j'ai fait des études au Studio École de France. Aussi. Il y a quelques années. Oh là là, il y a 35 ans, donc ça ressemblait pas tout à fait à ça. Sympa. Mais ça a beaucoup évolué depuis. Et avec vous, on va parler météo, bien évidemment, mais aussi série. On reviendra sur votre carrière d'animateur journaliste et on profitera que vous soyez là pour jouer un petit peu avec vous et voir si vous êtes vraiment un fan de séries. Ah mince, j'adore. Et on est là. Ah, j'espère que vous avez tapé dans les vieilles séries quand même. Ah, on a mixé un peu. Okay, on a mis des nouvelles et des des plus vieilles. Parfait. On est lundi 27 mars, vous êtes au taf, sur la route, chez vous. Vous écoutez Studekweb et on est ensemble jusqu'à 17h. Et tout de suite, c'est Varnish la piscine. Il est rappeur depuis 2-3 ans et il mélange le rap et le funk. Ça fait un mélange moderne. Ils viennent de sortir l'EP This Lake is Successful et c'est tout de suite sur Studekweb. Super. Yeah, that good shit, who's looking, girl? Don't give a fuck what these niggas say. Fuck what they said through the grapevine. While the confusion get in your way, you only get these up one time. Baby girl, that's awesome. so what's it gonna be? Et c'était Varnish la piscine avec Cortez. Vous écoutez la semaine des invités sur Studek Web en présence de Stéphane Evano. C'est le signal de la question ridicule. Qu'est-ce qui Il va y en avoir plein tout au long de l'émission. En fait, le principe, c'est que je vais poser une petite question assez ridicule, comme ça, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Super. Et voir si, comme ça. Je ne pas de vous. Hein, je suis le petit clown de l'équipe. Une question ridicule. Alors, c'est attention, dit. Mais juste avant la première, comment s'appelle le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Comment il s'appelle le capitaine? Comment s'appelait le capitaine Crochet avant qu'il perde sa main? Ouais. Alors attention, suspense. Hein. Hook, je sais pas. Excellent. Alors de base, il a pas vraiment de nom, mais le scénariste, celui qui l'a mis en place, l'a appelé comme lui, donc James Matthieu-Bee. James Matthieu-Bee. Voilà, c'était d'accord. La petite. Vous avez appris quelque chose hein, aujourd'hui. Je sens que je vais apprendre plein de trucs. C'est ridicule comme ça tout au long de l'émission. Charles, vous prévenir. J'adore le cinéma, donc là tu me colles avec une. Ah bah voilà. Ouais. Alors, on est en présence, je le rappelle, de Stéphane Evano. Il est actuellement rédacteur en chef de Météo à la carte sur France 3. Oui, depuis 11 ans. Enfin non, je travaille pour Météo à la carte depuis la création du magazine il y a 11 ans. Là, c'est la 11e saison cette année. Et j'ai commencé sur le terrain. J'étais réalisateur, journaliste réalisateur. J'étais embauché pour aller tourner des reportages pour cette émission. On tourne 3 reportages par jour. Et depuis les 2 premières années, j'étais journaliste réal. La 3e année, j'étais un petit peu moins réal et rédacteur chef adjoint. Et depuis 7 ans, je suis rédacteur en chef. Très bien. Et vous savez quoi? On va faire un jeu. Déjà? Un jeu, tout est relatif. Bien. Moi, ça me fait rire. Mais est-ce que ça vous fait rire? On verra. On va répondre du tac au tac. Je vous pose une question, vous répondez directement. Ok. Vous êtes prêts? C'est bon pour vous. Nom, prénom, âge, s'il vous plaît. Evano. Avec 2 N, Stéphane, 21 juillet 1968. Un lieu de naissance. Concarneau dans le Finistère. Oh. Et j'imagine que magnifique. Vous... Oui, oui, enfin vous dites ça à deux Normands quand même. Ouais, effectivement, on est tous les deux Normands. Alors j'imagine que vous avez déménagé pour pouvoir venir travailler au Studec, lieu de résidence actuel. Une fourchette. Montmorency dans le 95. Très bien. Alors ça c'est très personnel, votre signe astrologique. Cancer. J'aime beaucoup les cancers, voilà, rien de plus à dire, c'est vraiment mon petit truc. Votre profession du coup? Je suis journaliste depuis maintenant quelques années. Je n'ai jamais eu ma carte de journaliste, jamais, je ne l'ai jamais demandé. Je me suis toujours senti, comme j'ai commencé à l'antenne, animateur, avec un monsieur formidable qui s'appelle Renaud Amado, je ne sais pas si ça vous parle. Ça me dit vaguement quelque chose. Vaguement. On a une idée. Il s'occupait des programmes d'une radio qui s'appelait OFM à l'époque, et c'est lui qui a été mon premier patron et qui m'a embauché. Et donc, pourquoi je disais ça d'ailleurs? Ça y est, j'ai perdu. Et vous parlez de la carte de presse. Voilà. Et du coup, j'étais animateur au départ. Il m'a embauché pour être animateur pour présenter les matinales du week-end. Et je me suis toujours senti finalement plutôt animateur. En tous les cas, je me suis toujours senti saltimbanque. Voilà, d'accord. J'aime bien ce mot. Il y a quelqu'un qui a des messages sur WhatsApp, c'est pas moi. Hein. Et je me suis toujours senti saltimbanque et j'ai jamais demandé ma carte de journaliste. J'ai toujours fait un boulot de journaliste, mais j'ai jamais demandé ma carte. Parce que la carte de journaliste, elle sert à quoi? À part rentrer dans les musées et à dire « Youpi, j'ai une carte de journaliste ». Voilà, moi Vous n'en aviez pas spécialement besoin? Non, ni l'envie, ni le besoin. Ouais. Voilà, j'ai pas l'impression. J'ai continué, je fais un travail de journaliste depuis 35 ans et sans carte de journaliste. Hein, si tout se passe bien, c'est l'essentiel. Tout se passe très bien. Alors, situation familiale? Situation familiale... Je suis papa de 3 enfants, je suis grand-père d'une petite fille et je suis divorcé depuis il n'y a pas très longtemps. Voilà. J'ai mis les pieds dans le plat. Non, mais ça va bien, ça arrive de temps en temps. Nombre de points sur le permis? 12. Oh. Ouais. On avait tous les surpris. C'est pas le cas de tout le monde autour de la table. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là je les ai. Okay. Le métier de rêve que vous vouliez faire petit? Vétérinaire. D'accord. Ah, rien à voir. Bah petit, c'est quoi petit? Oui. Pas non, mais plus jeune. Ah si, comédien, il a raison. Bravo. Bien joué. Allégrie à travailler. C'était après. Tout petit, je voulais être vétérinaire. J'adorais les animaux, tout ça. Et tu as raison. Très vite, j'ai fait beaucoup de théâtre au lycée, au collège et au lycée. Et j'adorais ça. Et effectivement, je me suis dit, waouh, ça devrait être vraiment chouette de jouer la comédie et de devenir comédien. Ouais. Et ben justement, Allegria, tu as donné une nouvelle info. Tu es parti à la recherche de un peu plus d'infos, plus précises quand même que moi. Et ben c'est le moment. Vas-y. Alors Stéphane Evano est un journaliste né le 21 juillet 1968. Il grandit à Quimper, passant par le lycée Notre-Dame de Carbatran avant de s'en sortir avec un bac lettres et sciences en poche. Il vivra sa première expérience radio au studio École de France en tant qu'étudiant en animation entre 1988 et 1991. Il passe 3 ans au micro d'une émission musicale sur Radio Saphir. Étant passionné de théâtre, une passion qu'il anime depuis le lycée, il monte quelques pièces mais ne va jamais se lancer dans le bain, déclarant plus tard dans une interview que c'était par peur de galérer. À force de côtoyer des professionnels de la radio durant ses stages, son carnet d'adresse s'élargit et peu de temps avant la fin de ses études, il décroche son premier contrat chez Sur FM le week-end de la matinale de 7h à 11h. C'est énorme, on entend un jingle OFM là, avec le casque sur les oreilles, là, c'est ça rappelle des bons souvenirs. Ah bah oui, ah bah que des bons souvenirs. Du coup, il se fait embaucher par Renaud Amado. La chaîne lui propose d'entrer dans l'équipe La Saga des séries afin de préparer des documentaires et des fiches pour l'ancien présentateur Laurent Veil. Il vit sa première expérience devant la caméra peu de temps après pour des rubriques et des chroniques de 20 minutes. L'émission sera un succès, mais la direction décidera d'arrêter l'émission par peur d'essoufflement. C'est finalement en 1996 que l'ancienne directrice de magazine Christine Lenz va lui proposer d'animer une émission aux côtés de Karine Lemarchand appelée Télésérie. Quelques-uns des personnages que nous venons de découvrir ont sévi dans ce wagon, mais pour l'instant, je ne peux vous en dire plus. Si vous connaissez bien Twin Peaks, vous savez de quoi je veux parler. Et pour ceux qui la découvrent, cette série, allez, je vous donne un petit indice, le nom d'un témoin, il s'appelle Waldo. Attention, sur Série Club, tout de suite, voici l'épisode pilote de la série Twin Peaks. 90 minutes de frissons, d'horreur, d'humour vous attendent. On se retrouve juste après avec en interview Kyle MacLachlan, alias l'agent Dale Cooper, et bien sûr David Lynch, le créateur de Twin Peaks. À tout à l'heure. Étant un gros fan de série, c'est émouvant. Moi aussi, réentendre ça, c'était. J'ai le droit d'intervenir pendant tout. Bien sûr, pas de problème. Allez-y. Parce que ça, Twin Peaks, c'est un souvenir mais énorme à l'époque de Série Club, parce qu'on était allé faire une émission spéciale sur les lieux de tournage de la série, en Colombie-Britannique, pas très très loin de Seattle, un petit peu plus haut, et dans un tout petit village. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série Twin Peaks, mais c'était un grand hôtel avec des chutes d'eau, il y avait une scierie, on était retourné dans ce village pour faire une émission spéciale là-bas, parce qu'à l'époque, et peut-être que ça a encore lieu aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y avait des conventions de fans de la série Twin Peaks qui venaient tous habillés en Kyle MacLachlan, enfin en Dale Cooper, l'agent Dale Cooper de la série Twin Peaks, et on avait fait une émission spéciale là-bas avec une partie des acteurs de la série. C'était génial, c'est un souvenir extraordinaire. Trop bien. Voilà. C'est très particulier, mais ouais, c'est vrai. Ouais, c'était très chouette. Ok, alors du coup, pardon, il n'y a pas de souci. Par contre, là, j'aurais besoin de votre aide parce que j'ai pas pu trouver ce que vous avez fait entre la fin de l'émission télésérie et les débuts de Météo à la carte en 2010. Oula. Ah oui, d'accord. Et pourtant, on a cherché. Une émission là. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Alors si, bien sûr. Alors deux choses essentielles. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour Comme au cinéma. C'était l'émission de cinéma de France 2. J'ai travaillé avec tous les animateurs de cette émission parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier, c'était Frédéric Lopez. Ensuite, il y a eu Daniela Lombroso. Ensuite, il y a eu Michel Field. Donc, j'ai travaillé pendant 5-6 ans sur cette émission comme journaliste réel. Je faisais des reportages pour l'émission Comme au cinéma. Et ensuite, il y a eu une deuxième partie importante de ma vie professionnelle avec William Lémergie, où là, je suis parti bosser. J'étais embauché par William Lémergie et je bossais pour l'émission de Sophie Davon qui s'appelait C'est au programme, qui passait le matin entre 9h et 11h, je crois, de tête. Et je préparais les dossiers de Sophie. On était 4. On n'appelait pas ça rédac chef adjoint, mais il y avait un dossier développé chaque jour dans l'émission et on était 4 à développer, à préparer le dossier pour Sophie, qui évidemment, à l'époque, était animatrice et préparait pas grand-chose. Enfin, c'était normal, hein, c'était cohérent, logique. Et du coup, nous, on préparait le dossier, on trouvait les intervenants, on faisait un petit reportage et voilà. Donc, en gros, il y a eu ça. Il y a eu d'autres trucs, mais en gros, c'est ça. Comme au cinéma, émission de cinéma. Et puis, j'ai fait beaucoup de documentaires sur les séries télé. Je suis allé souvent sur le tournage des séries télé. J'ai fait 2 documentaires sur la série Urgence avec George Clooney, Noah Wiley, tout ça. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'était en 98 et 99. Donc voilà, c'est la zone d'ombre que tu as là. Elle est grosse, ta zone d'ombre, quand même. J'ai fait 2-3 trucs dans la zone d'ombre. Donc, au moins deux docs sur Urgence. Et il y avait un doc sur Friends. Et on a fait un doc sur Friends avec un pote scénariste que j'adore qui s'appelle Eric Vera. 99, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Alors, en revanche, Friends, on n'a pas eu la chance de pouvoir aller là-bas. Hein. C'était un doc qu'on avait fait. Avec les fans. Avec les fans. Alors qu'Urgence, on était vraiment sur le tournage avec à chaque fois. Ah oui, génial. X-Files aussi. J'ai fait X-Files pour M6. J'ai fait Le Caméléon, Profiler. Enfin, toutes les séries des années fin 90, début 2000 d'M6. J'allais tout le temps sur les tournages à Los Angeles. C'était génial. Voilà. Je vous en prie, jeune homme. Vous pouvez poursuivre. Vous pouvez sortir de la zone d'ombre. Alors du coup, en 2012, vous devenez rédacteur en chef pour Météo à la carte, émission à succès pour France 3, qui a pour but de décrire tout ce qui est influencé par le climat. Ouais. Ah bah oui. Ça donne envie de danser. Faut pas exagérer quand même. J'irai pas une soirée chez toi. Hein. L'émission s'avère être un véritable succès, battant chaque saison des records. En témoigne les 1 million de téléspectateurs présents le 28 février 2018. Alors aujourd'hui, 1 million devient presque banal, hein, si je puis me permettre. Hein, t'as pas regardé les derniers chiffres, je pense, mais c'est pas grave. Hein. Mais depuis la rentrée là, de septembre, on est à presque 1 million chaque jour. Voilà, on est à 1 million 200 000 téléspectateurs chaque jour. On est depuis septembre là, l'émission est de toute façon l'émission monte en audience chaque année, parce que ce qu'il faut dire, effectivement, tu as raison, ça a été créé en 2012. Ça n'existait pas un weather show. C'est un Météo à la carte est un weather show. Il y a des weather shows aux États-Unis, en Angleterre. Et voilà, c'est un concept qui n'existait pas en France. Et quand quelqu'un est allé voir la chaîne en disant « Ah bah tiens, on va faire un weather show sur France Télévisions, pendant 45 minutes, on va parler de météo tous les jours. » Et là, tout le monde a dit « Mais vous êtes dingue, ça marchera jamais. » Mais vraiment, plein de gens ont dit, et Laurent a abandonné la météo sur France Télévisions et est venu présenter ce magazine. Et tout le monde lui a dit « Mais t'es fou, Laurent, jamais ça ne marchera. » Surtout le thème, et ensuite, parce qu'on était en face, on est en face toujours des deux journaux de 13 heures. C'est-à-dire qu'on a quand même le journal de TF1 qui fait à peu près... je ne veux pas dire de bêtises, mais 5-6 millions de téléspectateurs chaque jour. Ouais. On a le journal de France 2 qui en fait 3. Et nous, aujourd'hui, on en fait 1 million. Donc, on n'est vraiment pas à la ramasse. Hein. On est bien. On est en part de marché. On est à 10 en moyenne depuis la rentrée de septembre. Mmh. Alors que quand on a récupéré cette case en 2012, c'était une case qu'on appelait vraiment une case sinistrée, qui était à 2,5 de part de marché. Je ne sais même plus ce qu'il y avait à l'époque... dans cette case-là. En tous les cas, c'était une case sinistrée et tout le monde s'est dit, mais jamais ça ne marchera. Et en fait, ça marche très très fort. Je veux dire que ça cartonne, mais quand même, c'est 1 million de téléspectateurs tous les jours et ça marche très très fort et de plus en plus. Aujourd'hui, on a fidélisé vraiment un public. Pardon, je vais m'arrêter de parler, j'arrête pas de parler. Non, mais au contraire. Ouais. Alors, Stéphane Evanneau, vous restez avec nous de toute façon. Là, on va juste après une courte pause, on va revenir sur toute votre carrière vraiment télé, on va revenir vraiment sur Météo à la carte en plus précisément, mais ça c'est juste après My Life de J-Cole qui est en concert à Paris à l'Accor Hotel Arena en mai 2023. Yeah, yeah, yeah, yeah. No matter how long it takes me. Spiraling up, just like a rich nigga staircase. No fly zone, please stay the fuck out my airspace. Niggas say things behind backs that they wouldn't dare say. Know it's on sight when I see you, I'm working at Squarespace. Yeah, top of the morning, I know that you thought I was dormant. Woke up early from shots that was swarming, a block from the ops, now the cops in the orbit. Cause somebody got popped, now they knocking on doors, trying to find an informant. But I ain't seen Nathan, I'm minding my business, as God is my witness, the weapon gon' prosper that's forming against me. Nigga, I'm starving immensely, know when I'm done with these songs, you gon' miss me. John Moran, I'm on my grizzly. You niggas just cuz, but no, not the ones in the big leagues. After the fall off, I promise I'm coming and selling our Wrigley's. Nigga, I'm just a product of poverty, full of narcotics to profit off quickly. My family tree got a history of users that struggle with demons, not really the hustler instincts. Therefore, often my pockets was empty. So while some of my partner was serving up rocks on the corners of project assemblies, me, I was starting to envy. Wanna be on the top where there's plenty. Wanna be in a spotlight where every bitch want me, like Rihanna dropping new Fenty. What I see in the sky, the villas of silly can't reach up too high evidently. Nah, shit. I can't reach up too evidently. Never seen no one driving a Bentley. I can't be out here mopping up Wendy's. My life is all I have. My rhymes, my pen, my path. And I done made it out the struggle, don't judge me. What you're saying now won't budge me. Cause where I come from, so often, people you grow with laying in a coffin. But I done made it through the pain and strife. It's my time now, my world, my life, my life. Say what? The stuff that I seen got me traumatized. I let the K go when Johnny died. Swinging them motherfuckers side to side. We don't participate, ain't with that squashy shit. All we believe in is homicide. I got a good heart, so I send teddy bears every time we make their mamas cry. I pray that my past ain't ahead of me, 21. When I'm in love, I love heavily. Oh, if you betray me, you dead to me, 21. I disrespect you respectfully. I got some partners who left this earth. Maybe the pain made a better one. God. Just know that they secrets is kept with me. Oh, God. I feel like the streets is in debt with me. Up. I gave my heart away to all the dog hoes, cause that's who accepted me, 21. I blame my pops for that shit, cause if he didn't fail, he could have corrected me, 21. Give all the props to my mama, cause no matter what, she always protected me. Oh, God. I promise you it ain't no checking me. Oh, God. Jump in the water, get wet with me. 21. You on my money, I wanna have sex with me. Can't let the odds of the law get the best of me. I get the answer and you get the test of me. I see chicken, you niggas is breasting me. Planted a seed, but it ain't a sesame. Can't let you niggas or bitches grow next to me. My life is all I have. My rhymes, my pen, my path. And I done made it out the struggle, don't judge me. What you saying now won't budge me. Cause where I come from, so often, people you grow with laying in a coffin. But I done made it through the pain and strife. It's my time now, my world, my life, my life. C'est My Life, J. Cole feat. 21 Savage et Moray. Et J. Cole est à retrouver en concert le 20 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris, 20 mai 2023. Vous écoutez Studek Web. Alors, on l'a dit, vous êtes un homme de télé, et ça depuis plusieurs années, Stéphane Evano. Oui. Rédacteur en chef, je le rappelle, de Météo à la carte sur France 3. Et Virgile, heureusement que tu es allé, que tu es là pour nous résumer et surtout nous rappeler toute cette carrière télé. Exactement, Marie-Alexia. Bon, on a l'habitude de dire retour vers le futur. Et ben, pour le futur, on verra ensemble en fin d'émission, hein. Mais pour l'instant, c'est retour vers le passé. Retour en 1996. Si je vous dis M6. Karine Le Marchand, Festival de séries TV de Nice, ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, génial. Justement, écoutez. Yes. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci, messieurs. Bonjour, on est sur des grosses bécanes. Bienvenue à Nice pour ce spécial festif, le premier festival des séries télévisées. Tous vos héros de séries cultes sont là, sous le soleil, près des palmiers, près de la plage. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine. Le soleil était oui, bah tout va bien apparemment. Bah oui, c'est le soleil, ça tape un peu sur la tête parfois. J'espère que vous allez bien. C'est le premier numéro spécial de l'été, télésérie, avec dans un instant deux agents secrets, Lydna Thorson, Patrick McNeil, les héros de chapeau melon et bottes de cuir. Juste après, il y aura un frimeur, cool, Henry Winkler, bien sûr le Fonzie d'Apidèse, un flic incorruptible, Elliot Ness, et on finira par un directeur d'agence un petit peu spécial, Mr. Phelps en personne, Peter Graves. Tout de suite, carte postale. Ta-la-di-la-da-da. Ça vous fait quoi de réécouter cette séquence? Ah, c'était, souvenir. C'était, alors c'était magique parce que, surtout cette émission-là, parce que c'était une émission spéciale, on était en extérieur. Il n'y a eu qu'une édition de ce festival des séries télé. Parce qu'à l'époque, c'était, ça commençait à, il y a eu plusieurs vagues dans le succès des séries télé. Oui. Il y a eu les années 60 avec Le Prisonnier, Chapeau melon et bottes de cuir, oui. Les Mystères de l'Ouest, voilà. Après, dans les années 70, il y a eu des séries plutôt gentillettes et le phénomène série était plus vraiment là. Ouais. Et c'est revenu. Dans les années 90, grâce à quelle série? Grâce à X-Files. C'est vraiment la série qui a relancé le phénomène série télé. Bah oui. Et du coup, il n'y avait pas encore de festival autour des séries, ça n'existait pas. Et là, Nice, la municipalité de Nice, avait décidé de lancer ça. Il n'y a eu qu'une édition, il n'y a eu que cette édition-là, malheureusement. Bon, depuis, il y en a d'autres, hein. Il y a un festival des séries. Pardon, je ne sais même plus où il est géographiquement parlant, peu importe. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup plus quoi des séries télé. Mais à l'époque, c'était la première édition. On n'a pas eu d'autres. Et il y avait un casting de fou parce que ça, c'est des gens qui vous parlent peut-être pas beaucoup, mais les comédiens de Mission Impossible, de qu'est-ce qu'on avait annoncé là, j'ai déjà oublié, Chapeau melon et bottes de cuir. Mmh. Enfin, moi je rencontrais mes idoles là, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment mes trucs de môme. Parce que moi, gamin, je regardais la télé avec ma mère qui me posait dans le canapé, on regardait des séries télé ensemble et c'était Les Mystères de l'Ouest, c'était Chapeau melon et bottes de cuir et ce jour-là avec Karine Le Marchand, on a eu la chance de rencontrer, moi je rencontrais mes idoles, c'était magique. Justement, quel souvenir vous gardez de cet événement-là? Quelle émotion vous ressentiez à l'époque? Ben ça, ça, j'étais j'étais gamin, je regardais Chapeau Melon et Bottes de Cuir, je regardais Mission Impossible, et là je me retrouvais avec Jim Phelps de Mission Impossible, avec Patrick Macnee. En plus, tous ces gens aujourd'hui sont morts. Quand je les vois partir au fur et à mesure, je me dis waouh, je vieillis moi aussi. Bah oui, forcément, comme tout le monde. Et je rencontrais mes idoles, quoi, mes stars. C'était mes stars, les comédiens de séries télé. Ça doit être assez troublant, je pense, non? Ah oui, oui, oui, oui, c'était John Steed, Chapeau Melon, Bottes de Cuir, vous voyez qui c'est quand même, ce monsieur très classe. Voilà. En plus, il avait de la gueule, quoi. Il était classe, il était imposant, il était. Et donc oui, c'était génial. Et puis j'avais quel âge? En 96. J'avais quel âge? Il faut sortir les calculs. 28 ans. J'avais 28 ans, donc j'étais encore tout jeune. Voilà. Et Virgile, en 96, je crois que t'as du mal à avancer dans le temps. On y reste encore un petit peu. Alors oui, promis, après j'avancerai au 21e siècle. Hein. Mais justement, on parlait de Carré le Marchand. Eh bien, on y reste. Super. C'était vachement bien notre générique. Hein. Sérieux, l'idée. Franchement. Ce petit mix de tous les génériques des séries télé, là. On se marrait avec Carré, c'était génial. Je reviens le générique. Ah ouais. La comment? Tu l'avais pas entendu? Écoutez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Bonjour et bienvenue dans Télésérie 5e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oh là là. Ah, le bol. Et attends, on peut pas le refiler à Turbo lui? Oui, bah justement, mets-le le Turbo et donne-moi le sommaire. Non, viens le chercher. Hop, la mission du jour, on regarde tout de suite. C'est parti. La mission d'aujourd'hui, faire découvrir ou redécouvrir une série qui mérite vraiment le détour à un western complètement délirant. Il y avait vachement de moyens. Comme petit Julien. Je faisais tout. Justement, comment avez-vous trouvé cette entente avec Karine, cette alchimie là? Ah, c'était sympa, on se marrait bien. Elle était fofolle, rigolote. Elle débarquait de. Elle est encore, non? À l'époque. Comment? Elle est encore. On se voit plus beaucoup, donc je sais pas si elle est toujours fofolle. Elle vient plus aux soirées. Et donc, pas aux miennes en tous les cas. Donc, oui, elle est fofolle, elle est marrante. Elle débarquait. On était jeunes animateurs. Hein, elle avait fait que de l'antenne sur une locale de, je sais plus quel local. En région, j'ai un peu oublié. Hein, et surtout, on faisait un truc génial. C'était une idée à elle, parce que moi, je chapeautais l'émission. Oui. J'étais déjà rédac chef. C'était pas dit comme ça, mais j'ai chapeauté complètement l'émission. Je choisissais les sujets. Les séries, c'était mon truc, quoi. Voilà. Et en revanche, elle a eu une série. Elle a eu une idée géniale. Elle m'a dit un jour. Et Steph, on devrait se déguiser dans l'émission. Et d'ailleurs, j'étais pas super fan de l'idée au départ. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se ferait plus jamais. Hein, de se déguiser. Parce que, je sais pas, vous avez vu des bandes, vous avez vu des extraits ou pas de l'émission? Non, oui, oui, oui, oui. On se déguisait à chaque fois. C'était très elle folklore. Ou moi. Voilà, c'était moyens et des costumes et tout ça, c'était pas foufou, quoi. Et on se déguisait. Je me suis déguisé en Batman une fois. Toute ma famille s'en souvient. Hein, c'était horrible. D'accord. Voilà, mais on se déguisait et on s'amusait. Voilà. C'était encore une télé où on s'amusait, on pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas pour vous actuellement. C'est différent, ça a changé. C'était l'époque, je ne dis pas qu'on faisait du Macallion, mais c'était la même époque. Il y avait une télé. Puis M6, c'était encore une jeune chaîne. Je pense que télésérie, on le proposerait aujourd'hui, ça ne passerait plus, on dirait. Et puis, pour une raison aussi toute simple, c'est qu'on parlait de toutes les séries. Ouais. Oui. Toutes les séries qui passaient sur toutes les chaînes. Et là, il y a les sites. Et c'était fou qu'ils aient accepté ça. Ah oui, donc vous pouviez citer d'autres chaînes alors? Oui, pardon, j'allais. tu l'as interrompu. Non, mais c'est bien. Oui, on citait. Ce qui est inimaginable maintenant. Ah, bah aujourd'hui, on ne le ferait plus, même s'il refuserait ça. Donc là, on vous a entendu en tant que présentateur d'émission en plateau ou même en déloc. Hein, mais vous avez été aussi présentateur de documentaires, Twin Peaks par exemple. Oui. On écoute l'extrait et on en parle après. Salut, il y a tout juste 8 ans, se dressait ici même, à ma place, un grand panneau « Welcome to Twin Peaks ». Respirez, ça fait du bien. Les sapins, nous sommes dans l'état de Washington, précisément à Snoqualmie, 5200 habitants. David Lynch vient ici tourner, il y a quelques années, les extérieurs de sa fameuse série Twin Peaks. Twin Peaks, les montagnes jumelles. David Lynch a vécu des années ici, dans cette région. tout près de Seattle. D'ailleurs, nous sommes à une quarantaine de kilomètres et puis à une centaine de kilomètres de Vancouver. Nous avons rencontré les fans de cette série, quelques comédiens, je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir les coulisses de cette série, les endroits où elle a été tournée. Regardez sommaire. Alors Stéphane, comment vous est venue l'idée de ce projet en fait? Je voudrais que vous avez la bande de ça, parce que moi j'ai rien. Je n'ai rien conservé. Oui, mais on peut. Oui, tout à fait. Ça, je ne l'ai jamais réentendu. Il y a des trucs que j'ai réentendu. Les émissions avec Karine Le Marchand, elles sont sur le net, parce que Karine a créé sa chaîne et patati patata. Mais ça, par exemple, Twin Peaks, j'adorerais la récupérer, par exemple. Avec grand plaisir. Eh ben, on vous la passera. Même sur le. Je sais, vous ne l'avez pas trouvé sur le net. Si. On a ressenti un petit peu l'émotion, là, quand même. Ouais. Ah bah oui, mais ça, c'était génial. C'était des moments magiques. On allait sur le terrain, on rencontrait les stars de ces séries, on était dans les décors des séries. Non, mais c'était super. Une convention de fans, je crois. Je vais pas pleurer, hein, faut pas exagérer. Mais... ouais, c'était une convention de fans qui avait lieu chaque année. Tous les fans de la série venaient sur les lieux du tournage parce que c'était une des rares séries avec des vrais. C'était pas du décor, quoi. C'était pas tourné en studio. C'était pas Urgence, par exemple, qui était tournée en studio. Mais là, ils avaient trouvé un hôtel incroyable à Snoqualmie. Ils tournaient dans une série. Ils tournaient dans les petites routes de montagne. De ce coin-là et du coup les fans se réunissaient chaque année. Il y avait un petit bar où enfin je sais pas si vous connaissez la série Twin Peaks, mais l'agent Dale Cooper, qui est joué par Kyle MacLachlan, va régulièrement dans un petit bar et il mange de la tarte à la cerise. Et donc vous pouviez aller, oui pardon, je parle trop, ça, vous inquiétez pas, oui ça va, on est en retard, et il allait manger une tarte à la cerise et voilà, donc les fans venaient sur tous les endroits où avait été tournée la série pour manger la tarte à la cerise entre autres et découvrir les acteurs qui venaient à ces conventions. Mais on vous a pas vu uniquement sur M6, ensuite France 2, avec l'évocation du film Signe de Night Shyamalan, enfin je sais pas si... Shyamalan. Voilà, merci pour la prononciation, avec Bertrand Toinel. Bernard. Bertrand, j'invente des noms maintenant, c'est comme ça. Et vous apportez des précisions et des détails sur ces cercles mystérieux. Voilà, il y en a plein le champ, c'est gros. C'est énorme. Imposant, c'est des figures géométriques différentes. Et ça vous intrigue? Et ça m'intrigue beaucoup. Bah, c'est le grand talent de ce metteur en scène, hein, M. Night Shyamalan. On peut parler un petit peu du film, en faire le pitch. M. Night Shyamalan est très très doué pour délicieusement intriguer le spectateur, voire même l'effrayer. Alors on peut parler de l'histoire en quelques mots de ce film. Ça raconte l'histoire donc d'un fermier, interprété par Mel Gibson, qu'on vient de voir. Là c'est vraiment le tout début du film. Un fermier qui est également pasteur. Et on apprend très très vite qu'il a perdu sa femme dans un accident tragique. Et du coup, il en a perdu la foi. Alors, il se retrouve seul dans cette grande ferme avec ses deux enfants. Il doit s'occuper de ses deux enfants. Évidemment, on ne va pas mettre tout l'extrait. Hein, non, surtout que c'est long, là, déjà. Oui, c'est, voilà. C'était au programme avec Sophie Davant. C'est Sophie Davant qui parle. Oui, oui. Et donc, c'était au programme. En quoi vous avez apprécié ce film? Qu'est-ce qui vous a plu pour le présenter comme ça à la télé? Oula, j'aime surtout ce metteur en scène, même si depuis il a fait quelques daubes. Ils en font tous, je pense, à un moment donné. Ah ouais, non, mais lui, il a mis la barre assez haut. Hein. Ouais, il a fait pas mal de trucs bien nuls. Oui, j'ai bien aimé ces deux, trois premiers films, dont celui avec Bruce Willis, comment s'appelait-il, où Bruce Willis est mort dès le début, mais ça, fallait pas le dire. Si vous l'avez pas vu, bah, je vous ai spoilé. Si vous avez pas le nom du titre, c'est pas grave, du coup. Bon, bref, voilà, c'était un metteur en scène que je trouvais intéressant, qui abordait des sujets un petit peu ésotériques, fantastiques. Moi, j'aime bien le fantastique, donc, voilà, j'adorais X-Files. Voilà, et ses signes, c'était ça. Et puis, plusieurs années après, c'est mis tout à la carte, hein, on en a parlé tout à l'heure, en tant que rédacteur en chef. Mais évidemment, vous avez aussi fait des sujets. Nous sommes au cœur du massif de la Tarentaise, dans les vallées d'Aigueblanche, en Savoie. Ici, 12 hameaux et une station de ski vivent au rythme des saisons. Et l'hiver, pendant 4 mois, cet endroit magique enfile évidemment son manteau blanc pour le plus grand plaisir des skieurs, des parapentistes, mais aussi des agriculteurs. Nous avons rencontré quelques-uns de ces amoureux de cette vallée pour qui l'hiver est toute une organisation. Mais toi, la carte, c'est vraiment une émission pour se cultiver, finalement. Ah ben, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, on découvre le patrimoine français, on découvre de jolis villages, on apprend à faire de bonnes recettes, c'est la gastronomie, c'est l'artisanat, c'est tout le savoir-faire de la France, voilà. Et oui, j'ai réalisé des reportages, mais je fais aussi beaucoup les voix, évidemment. Oui, puisque, on vous reconnaît. Oui, vaguement. Mais j'aime bien ça aussi. J'en ai fait d'autres, des voix, mais peut-être qu'on en parlera deux minutes, voilà. Alors, Natier, tu nous as posé des questions un peu cheloues en début d'heure, mais je sais que tu as bossé quand même un petit peu. Ah ben attends, il faut bien un petit peu bosser quand même. Donc c'est ton moment, on t'écoute. Voilà, c'est un entretien. Donc il était une fois un jeune homme qui avait l'âge de mes parents, donc c'est pas si jeune que ça, qui bah oui, attends, c'est vrai. Excellent. Donc il vient donc pour son entretien pour avoir donc un job au sein du studio École de France. Alors vous voulez connaître la suite ? Eh bien ça tombe bien parce que c'est maintenant. Bonjour monsieur Evano. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Ça va, ça va. Alors vous êtes là hein, pour passer donc un entretien pour intégrer donc la meilleure école de France de radio. Pas trop stressé ? Ah ben si, parce que je sais pas du tout où vous voulez en venir. Voilà, je sens un petit peu les mains moites là, on sent un petit peu le regard baissé, ouais. Vous voulez un petit café peut-être ? Oui. Ah ben ça tombe mal, on n'en a plus, c'est dommage. Voilà, c'est comme ça. Un petit peu d'eau ? Ah ben c'est, oui, ça, oui, j'en reprendrai. Ouais. Ah ben vous allez reprendre, ce sera dans la cafétéria, par contre l'eau coûte un petit peu cher, je tiens à le préciser. Bah, l'eau est de plus en plus chère. Allez, souvent dans météo à la carte. Tout à fait, tout à fait. Allez, on est OP, on est prêt, on va tout péter. Oh, oups, pardon. Bah, comme quoi, on dit tous la vérité ici. Hein. Allez, deux qualités, deux défauts, s'il vous plaît, moi sergent. Oui. Deux qualités, deux défauts. Oui. Ouh là là. C'est défauts, un entretien. Il hein. Faut demander ça à des amis. J'ai des amis derrière la vie. Voilà. Des défauts. Qu'est-ce que je vais dire là? J'ai une qualité, un défaut, c'est que je suis un peu. Je suis comment? Et on me souffle quoi? On me souffle dans mon oreille. Non, je suis sous polaire, j'ai pas entendu. Sous polaire, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que voilà, je peux m'emporter assez vite et je suis un peu okay. Bien. Puis je me calme très vite et ça passe et voilà. Mes collègues de bureau que j'embrasse, qui doivent m'écouter d'ailleurs en ce moment. Bah voilà, tiens, j'embrasse quatre collègues de bureau là. Ah bah, allons-y. Ouais, j'embrasse Sarah. D'accord. Attends Sarah, si tu m'écoutes pas, Sarah, attention. Hein. Sarah, Nolwenn, Bertie et Anan. Bah, Anan, elle est malade aujourd'hui. Donc, et j'embrasse aussi les garçons Aurélien et Quentin qui doivent être a priori en train de m'écouter en ce moment. Donc voilà, Soupolet et puis un autre, je sais pas, des qualités. Bah, je suis fidèle. J'ai mes deux amis qui sont derrière la vitre là, donc pour. Ça veut dire à quel point on est fidèle. Des valeurs assez authentiques. Et eux aussi sont fidèles, ils sont toujours là. Ah, voilà, c'est ça qui est bon. Ça fait quelques années. Voilà. Allez, je crois que je suis assez souriant et gay comme garçon. Voilà, je suis pas trop triste. Bon, c'est voilà. Parfait tout ça. Voilà. Des valeurs authentiques ouais. Qui sont des vraies valeurs humaines. Peut-être une petite passion. Ouais, bah, j'en ai plein des passions. Les séries. Juste télé. Une, la plus évidente. Les séries télé, le cinéma, la fiction en général. Ouais, c'est ça. Qu'on me raconte des histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires. Ah ben, je vous en raconterai une tout à l'heure, alors. D'accord. Dans ces cas-là. Le job de vos rêves. Alors, on est venu tout à l'heure avec, on en a parlé tout à l'heure avec Marie-Alexia, si je ne dis pas de bêtises. Mais le job de vos rêves à l'heure d'aujourd'hui. Ornithologue. Ornithologue? Mmh. Ah, j'ai un copain qui est ornithologue. Ah ben, on va se parler après. Ah ben, allez, c'est parti. Et pourquoi? Parce que j'adore les vaches. Ornithologue, on le rappelle, c'est spécialiste des oiseaux. Tout à fait. Non, parce que oui, j'adore les oiseaux, vraiment. Je suis fasciné par le monde des oiseaux, et voilà, depuis toujours. Et voilà. Donc demain, je pourrais devenir ornithologue. Eh bien, c'est exceptionnel. Enfin, il faudrait que je travaille un peu. Ah bah, bien sûr. Mais ça me plairait bien. Alors, rien à voir, quelle est votre motivation la plus déterminante pour bosser dans le milieu des médias ? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous détermine à vouloir continuer à bosser dans le milieu de la télé, dans le milieu de la radio ? J'adore ça. Vous n'imaginez pas à quel point je vous souhaite de vivre ce que je vis depuis 11 ans. C'est travailler pour une émission dont je suis mais extrêmement fier. Et je vous le souhaite, voilà, de vous lever tous les matins et de vous dire waouh, on fait quelque chose qui a du sens. On fait passer un message. On apprend des trucs aux gens. On est positif et bienveillant. Waouh, j'adore ce mot. C'est des émissions bienveillantes aujourd'hui à la télé, à la radio. Ouais. Il y en a pas 15 000 hein. À la télé. Il y a pas 15 000 émissions bienveillantes. Bah nous, on en fait partie. Voilà. Donc je suis très fier de me lever tous les matins pour aller bosser sur cette émission et puis faire bosser plein de gens, plein de jeunes. Parce qu'évidemment, la plupart des gens que je fais bosser, bah ils ont votre âge à peu près. Hein. Mm-hmm. Et j'adore mon équipe. J'adore les quatre filles là qui sont au bureau en ce moment en train d'enquêter, de chercher des idées. Voilà, je suis content de me lever le matin et d'aller les retrouver. Donc en fait, c'est un travail collectif et transmettre un petit peu son savoir, quoi. Ah oui, oui, c'est un travail super collectif, Météo La Carte. On est une grosse équipe, hein, parce que c'est quand même 45 minutes quotidiennes. Il y a 3 reportages tournés en région chaque jour. Donc il y a des équipes en tournage, hein, les équipes aussi. J'adore passer du temps avec elles, les briefer, préparer les dossiers avec elles, découvrir le reportage une fois monté. Enfin voilà, c'est un vrai bonheur cette émission. Rien à voir, pareil. Est-ce que vous savez parler d'autres langues ? Oui, je parle vaguement anglais. Il a fallu que je parle avec 2-3 stars il y a quelques années, donc, mais je manque d'entraînement. Alors, je vais essayer de vous donner une petite phrase en anglais. Vous allez essayer de me donner la traduction. Oula. Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Je pense que c'est jouable. Il est dans la cuisine, Brian, c'est ça ? Où est Brian ? Where is Brian ? Where is Brian ? Voilà, oui. Donc ça c'est... Où est Brian ? Où est Brian ? Et Brian est dans la cuisine, exactement. Je vous remercie. Non, mais je vais la garder celle-là, parce que si je recroise George Clooney, je pourrais la lui demander. Effectivement. On va terminer par la dernière question, bien entendu. Et pourquoi je devrais vous choisir en tant que futur employé du studio Call de France ? Pourquoi vous devriez me choisir ? Exactement. Ah oui, pour venir chez vous ? Bah oui, c'est un entretien quand même. Oh, parce qu'on se marre bien, non ? C'est sympa. Tout non à fait. C'est ouais, plutôt cool. Mais en tout cas, on a votre CV, on vous tiendra au courant. C'est sympa. Vous me le repasserez parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. On le retrouvera. C'est sur Studio Web. Vous écoutez la semaine des invités. Vous êtes avec Stéphane et Vano. Mais tout de suite, c'est Burna Boy que vous pouvez retrouver le 20 mai 2023 à l'Accor Hotel Arena de Paris. Download from GhanaTracks.com. It's Kill P5. Don't I'm gonna jump so cool. All my people, they go jump so cool. Boss man, you go jump so cool. When the bed to the entire body, all the girls them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mo bona felly. They mo bona felly. You know the money you take up police. Me I the life you can. Chris, I know Nama. But I just spray you the money on your ma. You're supposed to know, send me no be newcomer. So my baby make you no go dollar. No go dollar. When the bed with the entire body. Entire body. All the girl them go shake their body. They go shake their body. I'm gonna fail you. You know the money you take up with this. Me and the love you got. I said they sing, they feel the pulse. Make all the people jump around. Make you the listen well because I know if you shout. No joking around. Listen, make I tell you what it's all about. I know if you tell you, I see what I ain't the coconut. You sit down inside, boss, you say you be boss. Oh yeah, looku da da da, looku da da da. Say so my picking with the para with the da da da. Kilo shele ba ba ba. Oh looku da da da, looku da da da. Say so my picking with the para with the da da da. Kilo shele ba ba ba. When the bed with the entire body, yeah, entire body. Yeah. All the girls them go shake their body, yeah, yeah. They go shake their body. Yeah. Oh, et c'était Burna Boy avec Gébona. Vous écoutez Studek Web, la semaine des invités en présence de Stéphane et Vano. Alors, on est revenu sur le passé, sur la carrière de Stéphane et Vano. Mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on passe au présent. Vous êtes rédacteur en chef de Météo à la Carte. Allegria, je crois que tu avais quelques questions. Ah oui, oui, oui, j'ai des questions. Alors, vous êtes actuellement rédacteur en chef pour Météo à la Carte. En quoi consiste ce métier ? Oula ! Mais on a... Il faut 2 heures. Trouver des idées de reportage. Oui. On a 3 reportages par jour qui sont tournés en région sur la gastronomie, sur le patrimoine, l'artisanat, l'influence, le réchauffement climatique. Enfin, voilà, les thèmes sont très très variés. Même si l'ADN, le fil conducteur de l'émission, évidemment, c'est la météo. C'est l'influence de la météo sur des métiers. C'est l'influence de la météo, mais aussi l'influence des saisons. On est la seule émission à suivre les saisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en recette, vous n'aurez pas un truc autour des tomates. Les tomates sont pas de saison. Donc ça aussi, on le met en avant dans l'émission. C'est-à-dire qu'on met en avant les produits de saison. On incite les gens à faire le marché parce que ça coûte pas plus cher que d'aller au supermarché. Puis on mange mieux. Alors, peut-être manger moins de choses. Bon, bref. À vos souhaits, Marie-Alexia. Marie-Alexia, c'est marqué là, Marie-Alexia. C'est marqué. Désolée. Je choisis les sujets, mais j'ai une équipe qui enquête, j'ai des jeunes femmes qui cherchent des idées de reportage et qui me proposent des idées. Je dis oui, je dis non, on en discute. Une fois que j'ai dit oui, elles mettent en place le truc. Voilà. Après, les journalistes partent sur le terrain, réalisent leur reportage. Moi, je vois le résultat, je les valide, je fais faire des modifs, je fais les voix. Je prépare le conducteur de l'émission entièrement chaque jour, c'est-à-dire que 45 minutes par jour, bah, c'est pas rien. Donc il y a un certain nombre de reportages, les reportages inédits, les reportages rediffusés, parce qu'on a un petit peu de rediff. Voilà, je construis l'émission de A jusqu'à Z. C'est moi qui décide que le sujet 1, ça va être celui-là, le sujet 2, ça va être celui-là, patati patata. Enfin voilà, en gros, j'ai tout dit. pour faire rapide et concis. Ok, ok. Alors quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour être un bon rédacteur-chef? Savoir gérer les gens, rigoler, mais rester quand même, j'allais dire sévère, j'ai l'impression d'être à l'école, c'est nul. Non, mais... Un minimum, quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Et alors, comme je suis un petit peu sanguin, les gens savent bien quand si je pars, ça peut être un peu, voilà, je m'emporte un petit peu parfois, mais bon, bref. Mais voilà, gérer une équipe, choisir les bonnes personnes, savoir s'entourer de bonnes personnes, travailler toujours avec des gens qui sont... savoir bien s'entourer. Voilà, une équipe en télévision, en radio, c'est savoir bien s'entourer. Voilà, et puis ensuite trouver des idées, être passionné, aimer ça, farfouiller, voilà. Ok, merci, très bien. Alors on sait que les scores de chaque émission sont très souvent synonymes de réussite. Dans une interview, vous disiez que lorsque vous travaillez pour M6, les scores de l'audimat étaient affichés de l'ascenseur. Aujourd'hui, en tant que rédacteur-chef, est-ce que vous subissez toujours cette pression de l'audience? Ah bien sûr, Bah, tous les jours, j'ai mon petit mail à 9h05, 9h10 avec les audiences de la veille. En plus, on est une émission quotidienne. Et donc, tous les jours, je vois les audiences. Et bien sûr que alors, c'est pas arrivé depuis longtemps et je touche du bois, tant mieux. Mais il est arrivé que des émissions, par exemple, chutent un peu en audience certaines fois. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais ça peut arriver que vraiment il y a une chute. On voit sur la courbe, hein, tous les matins. Et on voit la courbe qui chute à un moment donné sur un truc. Et ben là, j'ai un coup de fil direct de mon boss. Et qui me dit Steph, là, tu vois, t'aurais pas dû mettre ça peut-être en ouverture d'émission, recommence pas ça, patati patata. Donc oui, il y a une pression des audiences, bien sûr. Même si France 3 est très contente de l'émission, même si France 3 est ravie des audiences, parce que les audiences sont vraiment très très bonnes, particulièrement depuis la rentrée. Donc c'est vrai qu'on est plutôt, entre gros guillemets, bien vu en ce moment, et tout va bien, et voilà. Mais on est à l'abri de rien, hein. Vous connaissez, vous savez ce que c'est la télé, la radio, ça peut chuter très vite, on ne sait pas ce qui peut se passer, une autre émission en face qui pourrait faire tout basculer, voilà. Ouais. Même si je ne pense pas, parce qu'on est vraiment... C'est chouette, Météo à la carte. vos parents regardent Météo à la carte. Oui, oui, ah bah bien sûr. Oui. Mes parents, oui. Mes grands-parents, oui. Pas mes grands-parents. Oh mince. Alors du coup, durant votre carrière, vous avez été devant et derrière la caméra. Vous préférez quoi? J'adore les deux. J'adorais faire de l'antenne, mais j'adorais faire de l'antenne parce que je parlais de quelque chose qui me passionnait et que j'aimais. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai décidé d'arrêter l'antenne à un moment donné parce que je suis parti faire autre chose, sachant que j'allais travailler dans l'ombre et ne plus être à l'antenne. Certaines personnes ont été surprises en me disant « mais t'aurais pas voulu continuer ?» Si, j'aurais bien aimé continuer, mais M6 a décidé à un moment donné d'arrêter certaines émissions, dont téléséries, et je suis parti dans d'autres univers et je me suis retrouvé dans l'ombre, mais ça m'a pas dérangé. L'essentiel pour moi, c'était parler de choses qui me passionnaient. Voilà. Donc le cinéma, les séries télé, voilà. Donc j'ai adoré les deux. Et j'avoue humblement que là, de me retrouver derrière un micro avec un casque et de refaire un peu de radio, mais en invité, mais quand même, de sentir ça, là, d'entendre, de m'entendre, et de sentir cette ambiance et de vous voir. Je ne sais pas quel invité, c'était Marc Scalia qui vous disait ça tout à l'heure à l'équipe précédente, qui disait, vous avez les yeux qui pétillent, bah ouais, vous avez, c'est bien, c'est sympa dans vos yeux de voir que c'est réjouissant ce que vous faites, quoi. C'est quand même un taf de chanceux et c'est génial à faire, quoi. Je vous souhaite de faire ça toute votre vie parce que si on se lève le matin, on est content de venir au boulot, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, télésérie, on en a parlé, vous avez fait d'autres émissions de séries. Vous êtes un très grand fan de séries. Oula, oui. J'ai un peu. Oui. Non, mais bien sûr, je suis un grand fan de séries. Bien sûr, beaucoup de séries des années 60, 70, 80, 90. Après, j'ai eu un peu de mal. Et puis surtout, c'est pas que j'ai eu un peu de mal, c'est qu'il y a une offre tellement grande. Vous la connaissez, cette offre. Bien sûr. Vous regardez forcément des séries. Il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, on peut plus tout voir. À une époque, on pouvait tout voir. À une époque, il y avait 25 séries qui passaient au fil d'une année sur toutes les chaînes confondues, quoi. 25, 30 séries. Aujourd'hui, il y en a combien? Il y en a des centaines, quoi. Donc j'ai un peu plus de mal aujourd'hui. Je peux pas tout suivre. Donc vous allez me coller forcément sur les séries. Ah, c'est ça qui est bon. J'imagine que vous avez compris un peu l'idée. Je vous fais écouter un générique. On essaie de deviner le générique de la série. On s'écoute le premier. Friends. Facile, ça. Easy, comme on dit. No one told you life was gonna be this way. Friends, les un grand classique. C'est Rembrandt qui chante. Et même encore aujourd'hui, c'est un grand, grand classique. Ils font encore des millions et des millions de sous Warner Bros. Grâce à tous les produits dérivés. Deuxième extrait. Alors, ça, c'est, si vous ne trouvez pas, je ne comprends pas. Ah, bah oui. Au départ, quand ça a été lancé, ça s'appelait Aux frontières du réel. Parce que M6 avait décidé de franciser le titre, ce qui n'était pas terrible. Et après, ils ont appelé ça X-Files. Et voilà, c'est X-Files, quoi. David Duchovny, Gillian Anderson. Je les ai rencontrés plein de fois, hein. Gillian Anderson, la première fois, elle est venue pour la saison 1 ou la saison 2 à Paris, toute seule, elle a mon âge. Gillian Anderson, elle est 1968. Donc à l'époque, elle avait 30 ans, un truc comme ça. C'était une gamine, enfin, elle avait un côté très timide, très gentil, hein, mais en plus pas très, c'est une fille qui a embelli au fil des années, au départ, elle était assez, il l'habillait pas très bien, il la maquillait pas très bien, elle était pas très jojo au départ. La première saison, deuxième saison, elle est pas très jolie. Après, elle a beaucoup embelli. Et quand elle est venue la première fois, c'était génial de se rencontrer dans un hôtel parisien. Puis après, je suis allé sur le tournage. Et voilà, c'était super souvenir. Donc ça, c'est des séries que vous connaissiez. Donc on était un peu gentils au début. Collez-moi là, vas-y. Non. Allez, une série plus récente aujourd'hui. Ah bah c'est Got. Yes. Pour le moment, vous incollable. Alors vous savez incollable. Quoi, on s'en fout. Je l'ai jamais vu. Non, non, j'ai vu le premier épisode il y a longtemps déjà, hein, parce que ça a quelques années maintenant. Oui. Et Game of Thrones. Et j'ai vu le premier épisode que j'avais trouvé plutôt pas mal. Et puis à l'époque, je sais plus pourquoi, j'ai pas continué, je sais plus pourquoi. Et je n'ai jamais repris. Et ben on connaît le succès que ça a eu. Et je n'ai jamais regardé. Je regarderai peut-être un jour, hein, mais là. Il y a beaucoup de saisons. Alors, pour l'extrait suivant, c'est un extrait, je sais, vous pouvez reconnaître facilement. 24 heures chrono. Mais vous êtes incollable, c'est impressionnant. Orlande, il y a 9 saisons. Alors, j'ai une petite anecdote sur 24 heures chrono. Il paraît que vous étiez tellement fan que, fut un temps, vous aviez la même sonnerie des téléphones que Jack Bauer. Moi, je ne devais pas être le seul. Ah ouais, j'avais ça. Ouais, exact. Qui vous a dit ça? J'ai une idée. Je sais pas, je peux pas dire mes sources. Il est pas loin, il est là. Oui, tout à fait, j'avais cette sonnerie-là. Bah oui, c'était génial, 24. C'était une vraie révolution, 24 heures chrono. Il y a eu X-Files qui a été une vraie révolution. Et 24 heures chrono, de par son concept, a vraiment été une révolution dans l'univers des séries. Et beaucoup s'en sont inspirés après, sans parvenir à faire aussi bien, parce que c'était vraiment chouette. Et bien, vous avez fait on s'en fout. En vrai. Ah ouais, c'est tout. Il y avait même pas. Mais on doit rendre l'antenne à un moment donné. Ah mince. J'ai des obligations. J'ai gagné quoi? Il y a des nouvelles émissions. Eh ben, vous avez gagné déjà le droit de revenir. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis, on va vous redonner bien évidemment la pige. Virgile avait une toute dernière question, mais très vite. Très bien. Virgile, quels sont? Donnez-nous un petit avant-goût. Quels sont vos projets pro et perso, futur loin, futur proche? Oh là. Vite. Je ne sais pas. Mettez-vous à la carte. Continue. On espère que ça va continuer longtemps. Et puis vous allez m'entendre sur RMC tout bientôt à partir du 5 avril dans une nouvelle émission. Ma voix, simplement la voix. Hein, ça s'appelle Voiture à vendre. C'est étonnant, non? Parce que j'ai été pendant des années la voix off de maison à vendre. Ça s'est arrêté en septembre dernier. J'en ai fait 98. Je ne suis même pas arrivé à la centième. Et là, je viens de faire Voiture à vendre pour RMC. Voilà. Trop bien. Donc, vous entendrez ma voix. Merci beaucoup, Stéphane Evano, d'être venu au studio École de France avec nous. Avec grand plaisir. C'était super sympa. Vraiment, j'ai adoré. Et bien, nous aussi, on a adoré, c'était un très bon moment. On reste bien évidemment sur Studec Web. Merci les garçons d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous. Merci à Réal et à Romain. Et on reste sur Studec Web pour la semaine des invités.